La vieille Lila par Jean Mauclair. C'est une petite bonne femme, toute menue, un peu courbée par les années, de qui la main lourde pèse à son épaule. Un fichu sur ses cheveux bien lissés, que depuis longtemps on lui connaît blanc, elle trotte et s'affaire par les rues du village de banlieue où elle achève paisiblement sa vie. Tous les matins, elle entend la messe. Dans la journée, quand le hasard de ses courses l'amène, cabas au bras, dans les environs de l'église, elle va s'agenouiller devant la statue de Jeanne d'Arc, dont la jeunesse la réjouit. Là, elle se pelotonne, frêle en sa robe noire usée, presque dissoute dans la pénombre de l'humble sanctuaire aux verrières étroites. Mais Dieu la voit, comme il entend sa prière silencieuse, car pour lui, la fleur la plus modeste est la plus odorante. Elle habite une de ces maisonnettes que les agents de location qualifient de coquet-pied-à-terre, et qui danserait à l'aise dans la grande salle d'une métairie. Une pièce, deux peut-être, tout de suite coiffée, comme un béret tiré sur le front, d'un toit en tuiles déteintes. Ce toit dépasse largement d'un côté, recouvrant, derrière la balustrade rustique, une avancée en manière de terrasse où trois pots de jacinthe exposent, abrités du vent, leur fraîcheur au baiser du soleil. C'est l'une des richesses de la pauvre vieille. Ce n'est pas la plus belle ni la mieux aimée. La maison est assise dans un jardinet grand comme cela, à 3 mètres d'un grillage qui la sépare de la rue. Le long de cette clôture, des lilas sont plantés en haies, dressant la muraille drue de leurs pousses, qui dardent à travers les mailles en fil de fer leurs jets vigoureux. À eux va toute la sollicitude de la propriétaire du vieux logis. Les loisirs que lui laissent ses besognes ménagères, elle les leur consacre tous. D'une attentive main d'aïeul, elle ôte les feuilles tendres que l'industrie des chenilles a roulées, dès leur jeunesse, pour en faire des nids cylindriques et douillets, tapissés de peluches argentées. Au jour de sécheresse, quand la terre assoiffée implore l'eau du ciel, elle en fend à petits coups, car la binette est pesante, la croûte desséchée. Et lorsque s'est abaissé au couchant le disque ardent du soleil, elle abreuve largement les racines. Si bien que pour reconnaître ses soins maternels, les lilas buissonnent et fleurissent à faire plaisir. L'autre jour, la bonne femme enlevait avec soin des brindilles mortes, faisant tache parmi la verdure naissante des jeunes feuilles. Mû par le désir de complimenter la jardinière aux doigts tremblants, un passant approcha. « Je pense, grand-mère, qu'elle est belle, votre haie. » La femme se redressa péniblement, une flambée de plaisir, peut-être aussi de fatigue sur ses joues flétries. « N'est-ce pas, monsieur ?»« Oui. Dans quelques jours, vos lilas seront superbes. Quel dommage qu'ils se trouvent si près de la route, on va vous les cueillir. » Cette fois, une lumière joyeuse éclaira les yeux pâlis de l'octogénaire. Elle eut un petit rire enfantin, comme en ont quelquefois ceux qui parviennent aux confins de la vie et dont le cœur est pur. Puis elle déclara « Mais bien sûr, et j'y compte, ils sont là pour ça. » Comme le passant réprimait mal un geste de surprise, la vieille Olila expliqua tout au long. « Voyez-vous, monsieur, si je vis là toute seule dans mon petit coin, c'est parce que je ne veux pas quitter notre église, ni la tombe de mon défunt. Mais j'ai plusieurs enfants qui habitent Paris, près des usines où ils travaillent. Comme de juste, ils sont bien gentils. Ils viennent souvent me voir et je vais, moi aussi, les visiter dans leur ménage et embrasser les petits, en prenant le train d'Ouai. » Elle marqua un temps et poursuivit, en continuant d'éplucher d'une main machinale l'un de ses plus beaux arbustes. « Quand je regarde ces rues sans air et ces maisons sans soleil, avec des cours qui sont comme des puits, et des logements moins sains, bien sûr, que ceux de mes poules, mon cœur saigne à penser que des créatures humaines vivent là-dedans. Pauvres gens, qui ne voient jamais les belles choses que Dieu a faites, les champs, l'espace, les arbres, les fleurs, surtout les fleurs. » Un soupir de compassion maternelle échappa aux lèvres décolorées, puis elle acheva. « Alors, pour tâcher de faire un peu de bien, dénué comme je suis, j'ai trouvé ça. Toute l'année, je soigne mes lilas le mieux que je peux, sans ménager mes peines, je vous prie de croire. Et au printemps, quand je vois un petit ménage qui admire mes fleurs, deux ayant l'air gentilles et des mioches pâlots, je leur donne un bon bouquet. Ils s'en vont avec, et je suis heureuse. » Elle chaussa de vieilles besicles de cornes, qui peut-être bien venaient de son aïeul. Doucement, avec des gestes tendres, elle attira à soi une branche au bout de laquelle se formait déjà un thyrse rose au corolle coupé d'une croix plus sombre. Et la bonne femme soupira encore, mais cette fois joyeusement. « Je suis contente. Cette année, il y en aura beaucoup. » Or, les journées suivantes, ayant répandu sur la terre du soleil et de la tiédeur, les trains du dimanche amenèrent en ce coin de banlieue un flot, une ruée, un mascaret de Parisiens avides de secouer pour quelques heures la hantise de ces pierres au milieu desquelles ils vivent. par petits groupes, au gré des amitiés et des familles, on se répandit au long des rues tranquilles qui blanchissaient dans l'air clair. Et les passants admiraient l'ampleur des logements offerts par les plus modestes pavillons, tandis que les enfants s'extasiaient en voyant de futurs citoyens jouer à la marelle ou à chat perché dans la liberté des jardins et des terrains vagues. La vieille Olila, un caraco fort propre tendu sur ses maigres épaules, avait sorti l'une de ses chaises de paille dans l'étroit carré que limitait sa haie. Là, embusquée derrière ses lilas, qui fleurissaient de tous leurs rameaux, en une féerie opulente et parfumée, la bonne femme cherchait dans la foule des passants à qui elle ferait ses humbles largesses. L'œil vif encore, sous les broussailles blanches de ses sourcils, le nez dressé, les lèvres minces un peu serrées sur ses gencives édentées, elle faisait subir aux innocents flâneurs un minutieux examen. Tous ne lui plaisaient pas. Il y avait de belles madames trop parées qui pouvaient s'offrir chez le fleuriste comme ailleurs tout ce qu'elles désiraient. Il y avait des garçons très jeunes qui s'ébrouaient comme des poulains lâchés en discutant sport et cinéma, deux inventions trop neuves dont la vieille se défiait. Il y avait des mininettes en bande, gaies autant que des mésanges, mais qui auraient mieux fait d'être à vêpres. Il y avait, tiens, ceci peut-être. C'était un jeune ménage vêtu avec une correction sans recherche, une de ces corrections qui réclament plus de soins que d'argent. Lui poussait une voiturette où sommeillaient deux bébés. Elle tenait par la main une fillette qui promenait sur les gens et les choses un regard étonné d'enfant sage. Tous présentaient ces visages sans couleur qu'on a dans les villes, et en particulier la petite maman, toute souriante qu'elle était, n'avait pas bonne mine. Ceux-là, c'étaient de modestes employés ou des ouvriers rangés. Des clients, pour la vieille Olila. La jeune femme s'était arrêtée. « Oh, regarde donc, Charles, quelle fleur magnifique !» Une admiration vibrait dans sa voix, un désir y tremblait aussi. Avant que le mari n'ait eu le temps de répondre, la vieille s'était redressée. « Prenez, mes enfants, c'est pour vous !» L'apparition soudaine de cette figure, un peu apparentée à un casse-noisette, surgissant, armé d'un sécateur, entre les feuilles des arbustes, effara les petits et surprit les parents. Mais déjà la bonne femme expliquait, coupant des branches embaumées que par-dessus le grillage elle tendait à la parisienne. « Voyez-vous, faut donner ce qu'on peut sur la terre. Moi, je fais pousser les fleurs du bon Dieu pour ceux qui en sont privés. Là, tenez, encore cette tige, et puis celle-là, c'est ça. Au revoir, mes enfants, et que le ciel vous garde. » Puis, tandis que les promeneurs s'éloignaient, ravis et confus, la vieille Olila reprenait sa faction touchante. Elle s'apprêtait allègrement à se dépouiller encore de sa moisson parfumée, pour donner un peu de joie à quelques inconnus privés de ce précieux sourire de la terre, des fleurs. C'était La vieille Olila par Jean Mauclerc.